La vie est belle, même si c'est vrai que parfois le destin s'en écarte. Faut vivre ta vie comme si tu mourrais demain. Profite de chaque instant avant que la mort vienne te dire faut que tu partes. Car il sera trop tard pour te reprendre en main. Alors sèche tes larmes, quelle que soit la raison de ton chagrin. Car nul ne peut savoir de quoi ça fait demain. Oh, la vie est belle, même si c'est vrai que parfois le destin s'en écarte. Oui, s'en écarte. Yeah, oh, c'est fini le temps où je faisais que pleurer sur mon star. Car j'ai compris que ce qui ne tue pas me rend plus fort. Alors quoi qu'il arrive, je relève la tête, même si ça demande beaucoup d'efforts. Et pour ne pas que ma vie rime avec des faits, j'apprends de mes erreurs. Car après tout, on n'a qu'une seule vie, donc à quoi bon se lamenter. Demain est un autre jour et nul ne sait ce qu'il peut apporter. Alors regarde le sourire, prends-toi en main et tâche de positiver. Ouais, car désormais enfin je sais. La vie est belle même si c'est vrai que parfois le destin s'en écarte. Faut vivre ta vie comme si tu mourrais demain. Profite de chaque instant avant que la mort vienne te dire faut que tu partes. Car il sera trop tard pour te reprendre en main. Alors sèche tes larmes, quelle que soit la raison de ton chagrin. Car nul ne peut savoir de quoi ça fait demain. Oh, la vie est belle, même si c'est vrai que parfois le destin s'en écarte. Oui, s'en écarte. Yeah, j'avais pleinement ma vie pour faire honneur à tous mes amis partis avant l'heure. Je profite de chaque instant comme eux, ils l'auraient fait. S'ils avaient su que si tôt ils nous auraient quittés. Alors je pense à moi quand ça ne va pas. Je me bats et sèche mes larmes. Quoi qu'il arrive je ne baisse pas les bras. Et je reprends les armes. Avant de me construire un futur. Même si parfois c'est difficile. Car il est vrai que le bonheur est si versatile. La vie est belle même si c'est vrai que parfois le destin s'en écarte. Faut vivre ta vie comme si tu mourrais demain. Profite de chaque instant avant que la mort vienne te dire faut que tu partes. Car il sera trop tard pour te reprendre en main. Alors sèche tes larmes, quelle que soit la raison de ton chagrin. Car nul ne peut savoir de quoi ça fait demain. Oh, la vie est belle même si c'est vrai que parfois le destin s'en écarte.